À cause du fait que j'ai entendu hier et aujourd'hui des choses, aujourd'hui, ce matin, des choses excellentes. Je ne vais pas me mettre à nommer les personnes, parce que ça fait palmarès. J'ai entendu ce matin particulièrement des choses excellentes. Alors, je vous préviens que je lis. Vous comprendrez après pourquoi. Je l'explique à l'intérieur. La troisième, c'est le titre. La troisième, elle revient. C'est toujours la première, comme dit Gérard de Nerval. Y objecterons-nous que ça fasse disque? Pourquoi pas? Si ça dit ce que... Encore faut-il se dire ce que l'entendre, ce quelque chose que le disque bourdonne. Si j'injecte ainsi un bout de plus d'onomatopée dans la langue, ce n'est pas qu'elle soit en droit de me retoquer. Il n'y a pas d'onomatopée qui déjà ne se spécifie de son système phonématique à la langue. Vous savez que pour le français, Jacobson l'a calibré. C'est grand comme ça. Autrement dit, c'est d'être du français que le discours drôme. Je tempère ça à remarquer. Gourdrome, c'est un ronron qu'admettrait d'autres la langue. Si j'agrais bien de l'oreille à telle de nos voisines géographiques, ça nous sort naturellement du jeu de la matrice, celle de Jacobson, celle que j'en spécifiais à l'instant. Bon, comme il ne faut pas que je parle trop longtemps, je vous passe un truc. Ça me donne l'occasion, simplement, ce tour de Rome, de mettre la voix sous la rubrique des quatre objets dits par moi, petit a. C'est-à-dire de l'art vidé, la substance qui pourrait y avoir dans le bruit qu'elle fait, c'est-à-dire la remettre au compte de l'opération signifiante, celle que j'ai spécifiée des effets dits de métonymie, de sorte qu'à partir de là, la voix, si je puis dire, la voix est libre. Libre d'être autre chose que substance. Voilà, mais c'est une autre délinéation que j'entends pointer en introduisant ma troisième. L'onomatopée, là, qui m'est venue d'une façon un peu personnelle, me favorise, touchant du bois, me favorise de ce que le ronron, c'est sans aucun doute la jouissance du chat. Ça passe par son larynx ou ailleurs. Moi, j'en sais rien. Quand je les caresse, ça a l'air d'être de tout le corps. C'est ce qui me fait entrer. Parce que je veux partir. Par de là, ça vous donne pas forcément la règle du jeu, mais ça viendra après. Je pense donc se jouit. Ça rejette le don qu'usité, qui se dit je suis. Bon, je fais un petit banillage là-dessus. Rejeter, si c'est à entendre, comme ce que j'ai dit de la forclusion. De rejeter le je suis, ça reparaît dans le réel. Ça pourrait passer pour un défi à mon âge. À mon âge, ou depuis 3 ans, comme on dit ça aux gens, à qui on veut l'envoyer dans les dents, depuis 3 ans, Socrate était mort. Mais même si je défuntais, à la suite, ça pourrait bien m'arriver, c'est arrivé à Lévi-Strauss, comme ça, à la tribu. Descartes l'a jamais entendu à propos de son « je suis » dire qu'il jouissait de la vie. C'est pas ça du tout. Quel sens ça a, son « suis » Ben, exactement mon sujet à moi. Le jeu de la psychanalyse, notamment, il savait pas, le pauvre. Je savais pas, ça va de soi, il faut que je m'y interprète. C'est un symptôme. Car de quoi est-ce qu'il pense avant de conclure qu'il suit la musique de l'être, sans doute. Il pense du savoir de l'école dans les jésuites, ses maîtres, lui ont rebattu les oreilles. Et il constate que c'est léger. Ce serait meilleur tabac, c'est sûr. Il se rendait compte que son savoir va bien plus loin qu'il ne croit, à la suite de l'école. Qu'il y a de l'eau dans le gaz, si je puis dire. Du seul fait qu'il parle, car parler de la langue, il a un inconscient, et paumé, comme tout un chacun qui se respecte. Ce que j'appelle un savoir impossible à rejoindre pour le sujet, alors que lui, le sujet, il n'y a qu'un signifiant seulement qu'il représente auprès de ce savoir. C'est un représentant, si je puis dire, de commerce avec ce savoir constitué pour Descartes. C'est d'usage à son époque, son insertion dans le discours où il est né, c'est-à-dire le discours que j'appelle du maître, le discours du noblio. C'est bien pour ça qu'il n'en sort pas avec son « je pense, donc je suis ». C'est quand même mieux que ce que dit Parménide. L'opacité de la conjonction du « noein » et Leina. Il n'en sort pas, ce pauvre Platon. Il n'en sort pas, parce que s'il n'y avait pas lui, qu'est-ce qu'on saurait de Parménide? Mais ça n'empêche pas qu'il n'en sort pas. Et que s'il ne nous transmettait pas l'hystérie géniale, traître. Ben, qu'est-ce qu'on en tirerait, hein? Moi, je me suis échiné, là, pendant ces pseudo-vacances. Je me suis échiné sur le sophiste. Je dois être trop sophiste, probablement, pour que ça m'intéresse. Il doit y avoir là quelque chose à quoi je suis bouché. J'apprécie pas. Il nous manque des trucs pour apprécier. Enfin, il nous manque de savoir ce qu'était le sophiste à cette époque. Il nous manque le poids de la chose. Allez, revenons au sens du « sui ». C'est pas simple, hein? Ce qui, dans la grammaire traditionnelle, se met au titre de la conjugaison d'un certain verbe être. Pour le latin, alors là, tout le monde s'en aperçoit, hein. Fui, comme on dit en Italie, hein. Que fui ne fait pas somme avec sub, comme on dit aussi ici. Sans compter le reste du bric-à-brac. Bon, enfin, je vous en passe. Je vous passe de ce qui est arrivé quand les sauvages, là, les Gaulois, se sont mis à avoir à se tirer d'affaire avec ça. Ils ont fait glisser le est du côté du stat. Ils sont pas les seuls, d'ailleurs, en Espagne, je crois, c'était le même truc. Enfin, la linguisterie, je tire de tout ça comme elle peut. Je m'en vais pas maintenant, vous répétez ce qui fait les dimanches de nos études classiques. Il n'en reste pas moins qu'on peut se demander, hein, de quelle chair ces êtres qui sont d'ailleurs des êtres de mythe, hein, enfin ceux dont les mille noms, là, les hindous européens, on les a inventés, exprès, enfin, c'est des mitèmes. Qu'est-ce qu'ils pouvaient mettre dans la copule, ce qui partout ailleurs que dans nos langues, c'est simplement n'importe quoi, enfin, qui sert quoi plus. Enfin, quelque chose comme la préfiguration du verbe incarné. On dira ça ici. Ça me fait suer, enfin. On a cru me faire plaisir en faisant venir à Rome. Je sais pas pourquoi. Il y a trop de locaux pour l'Esprit Saint. Qu'est-ce que l'être a de suprême? Si ce n'est par cette copie. Enfin, je me suis amusé à y interposer ce qu'on appelle des personnes. Ça foire à être. Après, j'ai trouvé un machin qui m'a amusé comme ça. Mais tu me. Ça permet de s'embrouiller. Même tu. En réalité, c'est le même truc. C'est l'histoire du message. Chacun reçoit sous sa forme inversée. Je dis ça depuis très longtemps, ça a fait rigoler. À la vérité, c'est à Claude Lévi-Strauss que je le dois. Se pencher vers l'excellente amie qui est sa femme, et qui est Monique, pour l'appeler par son nom, et il lui a dit, à propos de ce que j'exprimais, que c'était ça, enfin, que chacun recevait son message sous une forme inversée. Monique, qui me l'a répété, je pouvais pas trouver de formule plus heureuse pour ce que je voulais dire juste à ce moment-là. Enfin, c'est quand même lui qui me l'a refilé. Vous voyez, je prends mon bien où je le trouve. Bon, alors... Je passe sur les autres temps, enfin sur l'étayage de l'imparfait. Hein.

à faire un jeu là entre ce S1 que j'avais poussé jusqu'à la dignité du signifiant. Hein? J'ai joué avec ce 1 et le petit A en les nouant par le nombre d'or. Ça vaut 1000. Ça veut rien dire que ça vaut 1000, ça veut dire que ça prend portée de l'écrire. En fait, c'était pour illustrer la vanité de tout coït avec le monde. C'est-à-dire de ce que on a appelé juste ici la connaissance. Car il n'y a rien de plus dans le monde qu'un objet petit âme. Chure ou regard, voix ou tétine qui refend le sujet et le grime en ce déchet qui, lui, au corps, existe. Pour en faire semblant, faut être doué. C'est particulièrement difficile comme ça. C'est plus difficile pour une femme que pour un homme. Contrairement à ce qui se dit. Que la femme soit l'objet petit à de l'homme à l'occasion, ça ne veut pas dire du tout qu'elle a du goût à l'être. Mais enfin, ça arrive. Ça arrive qu'elle y ressemble naturellement. Il n'y a rien de plus semblable, enfin, qui ressemble plus à une chiure de mouche qu'à un affreux. Ça doit lui servir. Ouais. Soyons sérieux. Revenons à faire ce que j'essaie. Il faut soutenir cette troisième du réel qu'elle comporte. C'est pourquoi je vous pose la question dont je vois que, les personnes qui ont parlé avec moi, avant moi, se doute un peu, non seulement je doute, mais même elles l'ont dit, qu'elles l'aient dit, signe qu'elles s'en doutent. Est-ce que la psychanalyse est un symptôme? Vous savez que quand je pose les questions, c'est que j'ai la réponse. Enfin, ça vaudrait tout de même mieux que ce soit la bonne réponse. J'appelle symptôme ce qui vient du réel. Ça veut dire que ça se présente comme un petit poisson, dont le bec vorace ne se referme qu'à se mettre du sens sous la dent. Alors, de deux choses l'une, ça le fait proliférer. Croissez, multipliez-vous, a dit le Seigneur, ce qui est quand même quelque chose d'un peu fort qui pourrait nous faire tiquer. Cet emploi du terme multiplication, lui, le Seigneur, quand même, c'est ce que c'est qu'une multiplication. C'est pas le foisonnement du petit poisson. Ou bien alors, il en crève. Il vaudrait le mieux, de quoi devrions nous efforcer, c'est que le réel du symptôme en crève. Et c'est là la question, comment faire? Il y a une époque comme ça où je me propageais dans des services que je nommerais pas, quoique dans mon machin, tu fasses allusion, ça passera à l'impression, ça faut que je saute un peu. À une époque où vous essayez de faire comprendre dans des services de médecine ce que c'était que le symptôme. Je ne disais pas tout à fait comme maintenant. Mais quand même, c'est peut-être un arthrague. Quand même, je crois que je le savais déjà, même si je n'avais pas encore fait surgir l'imaginaire, le symbolique et le réel. Le sens du symptôme n'est pas celui dont on le nourrit pour sa prolifération ou extinction. Le sens du symptôme, c'est le réel. Le réel, autant qu'il se met en croix pour empêcher que marchent les choses, au sens où elles se rendent compte d'elles-mêmes de façon satisfaisante, satisfaisante au moins pour le maître. Ce qui ne veut pas dire que l'esclave en souffre d'aucune façon, bien loin de là. L'esclave, mon pardon, cette parenthèse, l'esclave, lui, dans l'affaire, il est peinard, bien plus qu'on ne croit. C'est lui qui jouit, contrairement à ce que dit Hegel. Il devrait quand même s'en apercevoir, parce que c'est bien pour soi ce qu'il s'est laissé faire par le maître. Alors Hegel lui promet en plus l'avenir. Il est comblé. Ça aussi, c'est un arthrague. Un arthrague plus sublime que dans mon cas, si je puis dire. Parce que ça prouve que l'esclave avait le bonheur d'être déjà chrétien au moment du paganisme. C'est évident, non? Enfin, c'est quand même curieux. C'est vraiment là. C'est le bénéf total. Tout pour être heureux. Ça se retrouvera jamais. Maintenant qu'il n'y a plus d'esclaves, nous en sommes réduits à relicher tant que nous pouvons. Les comédies de Plaute et de Terence, hein. Tout ça pour nous faire une idée de ce qu'ils étaient bien, les esclaves. Enfin, je m'égare. Ce n'est pas, pourtant, sans ne pas perdre la corde de ce qui prouve cet égarement. Le sens du symptôme dépend de l'avenir du réel. Donc, comme je l'ai dit à la conférence de presse, la réussite de la psychanalyse. Ce qu'on lui demande, c'est de nous débarrasser et du réel et du symptôme. Si elle succède, a du succès dans cette demande, on peut s'attendre, je dis ça comme ça, pardon, mais je vois qu'il y a des personnes qui étaient bon, à cette conférence de presse, alors c'est pour elles que je le dis. On peut s'attendre à tout. Avoir un retour de la vraie religion, par exemple, qui, comme vous le savez, n'a pas l'air de dépérir. Hein. C'est pas folle, hein, la vraie religion. Tous les espoirs lui sont bons, si je puis dire. Elle les sanctifie. Alors, bien sûr, ça les lui permet. Bon. Mais si la psychanalyse, donc réussie, elle s'éteindra. De n'être qu'un symptôme oublié. Elle ne doit pas s'en épater, c'est le destin de la vérité telle que elle-même le pose au principe. La vérité s'oublie. Donc tout dépend de si le réel insiste. Ben pour ça, il faut que la psychanalyse échoue. pour connaître qu'elle en prend la voie, hein. Et qu'elle a donc encore de bonnes chances de rester un symptôme, de croître et de se multiplier. Psychanalyste pas mort, l'être suit. Mais quand même, méfiez-vous. Hein. C'est peut-être mon message sous une forme inversée. Peut-être qu'aussi je me précipite. Hein. C'est la fonction de la hâte. J'ai mis en valeur pour vous. Ce que je vous ai dit peut pourtant avoir été mal entendu, ce que je viens de vous dire. Hein? Entendu de sorte que ça soit pris au sens de savoir si la psychanalyse est un symptôme social. Il n'y a qu'un seul symptôme social. Chaque individu est réellement un prolétaire. C'est-à-dire n'a nul discours de quoi faire lien social, autrement dit semblant. C'est à quoi Marx apparaît, hein? Apparaît d'une façon incroyable. Aussitôt dit, aussitôt fait, hein? Ce qu'il a émis implique qu'il n'y a rien à changer. Bien pour ça, d'ailleurs, tout continue exactement comme avant. La psychanalyse, socialement, a une autre consistance que les autres discours. Elle est un lien à deux. C'est bien en ça qu'elle se trouve à la place du manque de rapports sexuels. Ça suffit pas du tout à faire un symptôme social, puisque rapport sexuel, il manque dans toutes les formes de société. C'est lié à la vérité qui fait structure de tout discours. C'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'il n'y a pas de véritable société fondée sur le discours analytique. Hein. Il y a une école. Hein. Il y a une école qui, justement, se définit pas d'être une société. Hein. Elle se définit de ce que j'y enseigne quelque chose. Hein. C'est rigolo que j'ai vu se paraître quand on parle de l'école freudienne. Hein. C'est quelque chose dans le genre de ce qui a fait les stoïciens, par exemple. Même les stoïciens avaient quand même quelque chose comme un pressentiment du lacanisme. C'est eux qui ont inventé la distinction du signans et du signatum. Par contre, je leur dois, moi, mon respect pour le suicide. Naturellement, ça ne veut pas dire pour des suicides fondés sur un badinage. Sur cette forme de suicide qui en somme, est l'acte à proprement parler. Pas le rater, bien sûr. Ça, c'est pas un acte. Ouais. Dans tout ça, donc, il n'y a pas de problème de pensée. Un psychanalyste sait que la pensée est aberrante de nature. Ce qui ne l'empêche pas d'être responsable d'un discours qui soude l'analysant à quoi? Comme quelqu'un l'a très bien dit ce matin. Pas à l'analyste. Hein? Ce qu'il a dit ce matin, Je l'exprime autrement. Je suis heureux que ça converge, sous de l'analysant au couple analysant-analyste. C'est exactement le même truc qu'a dit quelqu'un ce matin. Bon, donc, le piquant de tout ça, c'est que ce soit réel, dont dépend de l'analyste dans les années qui viennent, et pas le contraire. C'est pas du tout de l'analyste qui dépend l'avènement du réel. L'analyste, lui, a pour mission de le contrer. Malgré tout, le réel pourrait bien prendre le mort aux dents. Surtout depuis qu'il a l'appui du discours scientifique. C'est même un des exercices de ce qu'on appelle science-fiction. Je dois dire que je ne le lis jamais. Mais souvent, dans les analyses, on me raconte ce qu'il y a dedans. C'est pas imaginable. L'eugénique, hein, l'euthanasie. Enfin, toutes sortes de plaisanteries diverses. Là où ça devient drôle, c'est seulement quand les savants eux-mêmes s'en saisis, non pas bien sûr de la science-fiction, mais ils sont saisis d'une angoisse. Ça, c'est quand même instructif. C'est bien le symptôme type de tout avènement du réel. Et quand les biologistes veulent les nommer, les savants s'imposent l'embarque d'un traitement de laboratoire des bactéries sous prétexte que si on en fait trop dure et trop forte, elle pourrait bien glisser sous le pas de la porte et nettoyer, enfin, au moins toute l'expérience sexuée, en nettoyant le par-l'être. Ça, c'est tout de même quelque chose de très piquant. Cet accès de responsabilité est formidablement commis. Toute vie, enfin, réduite à l'infection qu'elle est, réellement, selon toute vraisemblance, ça, c'est le comble de l'être pense. L'ennui, c'est qu'ils ne s'aperçoivent pas, pour autant que la mort se localise du même coup à ce qui, dans la langue telle que je l'écris, en fait signe. Quoi qu'il en soit, les de plus haut, ben moi souligner au passage, nous mettrait enfin dans l'apathie bien universelle et supplérait à l'absence du rapport que j'ai dit impossible à jamais par cette conjonction de Kant avec Sade, dont j'ai cru devoir marquer dans un écrit l'avenir qu'il nous pend au nez, soit le même que celui où l'analyse a en quelque sorte son avenir assuré. Français, encore un effort pour être républicain. Ce sera à vous de répondre à cette objurgation, parce que, quoi que je sache pas toujours, si cet article vous a fait ni chaud ni froid, il y a juste un petit type qui s'est escrimé sur... Ça n'a pas donné grand-chose.

Il n'y a pas d'exemple manifeste que c'est du filet. Alors, c'est peut-être de ça qu'ils jouissent de tisser et de filer. Mais ça laisse quand même l'ensemble de la chose flottante, hein? La question reste à trancher si qui implique jouissance. Si la question reste douteuse pour le végétal, ça ne met plus en valeur qu'elle ne le soit pas pour la parole. Que la langue ou la jouissance fait dépôt, comme je l'ai dit, non sans la mortifier, n'est-ce pas, sans qu'elle ne se présente comme du bois mort, témoigne quand même que la vie, dont un langage fait rejet, nous donne bien l'idée que c'est quelque chose de l'ordre du végétal. Faut regarder ça de près, enfin, il y a un linguiste comme ça qui a beaucoup insisté sur le fait que le phonème, ça fait jamais sens. L'embêtant, c'est que le mot ne fait pas sens non plus, malgré le dictionnaire. Moi, je me fais fort de faire dire dans une phrase à n'importe quel mot, n'importe quel sens. Alors, si on veut dire à n'importe quel mot, n'importe quel sens, où s'arrêter dans la phrase, où trouver l'unité élément. Puisque nous sommes à Rome, je vais essayer de vous donner une idée là de ce que je voudrais dire. De ce que je voudrais dire, sur ce qu'il en est de cette unité, à chercher du signifiant. Il y a, vous savez, les fameuses trois vertus, dites justement théologales. Ici, on les voit se présenter aux murailles, exactement partout, enfin, sous la forme de femmes plantureuses. Ce qu'on puisse dire, c'est qu'après ça, elle est traitée de symptôme, hein. On force pas la note, hein. Définir le symptôme comme je l'ai fait, enfin, à partir du réel, c'est dire que les femmes l'expriment aussi très très bien, le réel. Puisque justement, j'insiste sur ce que les femmes ne sont pas toutes. Alors là-dessus, l'espérance, non, la foi, l'espérance et la charité, non. Ouais. Si je les signifie de la foi, de l'esperon, l'asiate ogni speranza, c'est un métamorphème comme un autre, hein. Puisque tout à l'heure vous m'avez passé Urdrum, non. Les dénommer de ça et de finir par le ratasti, à savoir l'archiraté, il me semble que c'est une incidence plus effective pour le symptôme, hein. Pour le symptôme de ces trois femmes, ça me paraît plus pertinent que ce qui au moment, enfin, où on se met à rationaliser, enfin, tout, parce que qu'est-ce que c'est autre chose que les trois questions de Kant avec lesquelles j'ai eu à me dépêtrer à la télévision, savoir, que puis-je savoir, que m'est-il permis d'espérer, c'est vraiment le comble, hein, et que dois-je faire, hein, c'est quand même curieux, enfin, n'est-ce pas qu'on en soit là. Non, pas bien sûr que je considère que la foi, l'espérance et la charité soient les premiers symptômes à mettre sur la sellette. C'est pas des mauvais symptômes, enfin, ça entretient tout à fait bien, enfin, la névrose universelle, enfin, n'est-ce pas, mais... C'est-à-dire qu'en fin de compte, les choses n'aillent pas trop mal, enfin, qu'on soit tous soumis au principe de réalité, c'est-à-dire au fantasme, enfin. Mais enfin, l'Église quand même est là qui veille, et une rationalisation délirante, quand, enfin, c'est quand même ce qu'elle tamponne, hein. J'ai pris cet exemple comme ça, pour ne pas m'empêtrer. Lorsque j'avais commencé d'abord par vous donner comme jeu, comme exemple, enfin, de ce qu'il faut pour traiter un symptôme. C'est pas quand j'ai dit que l'interprétation, ça doit toujours être comme on l'a dit, et pas plus tard que, qu'hier, à savoir Tostin, le Rédimède, Marcel Duchamp, enfin qu'au moins vous en entendiez quelque chose. L'essentiel qu'il y a dans les deux mots, c'est là que doit viser notre interprétation pour n'être pas celle qui nourrit le symptôme de sens. Et puis je vais tout vous avouer, hein. Je vais tout vous avouer, papa. Ce truc-là, ce glissement de la foi, l'espérance et la charité vers la foi. Je dis ça parce qu'il y a eu quelqu'un hier soir à la conférence de presse ou avant-hier soir a trouvé que j'allais un peu fort. Foi et de la foi, c'est un des rêves. Bien le droit. Tout comme Freud, afin de vous faire part de mes rêves. Contrairement à ceux de Freud, ils sont pas inspirés par le désir de dormir. C'est plutôt le désir de réveil, moi, qui m'agite. Enfin, c'est particulier. Enfin, signifiant unité. C'est capital. C'est capital, mais ce qui est sensible, c'est que sans, ça c'est manifeste, le matérialisme moderne, lui-même, on peut être sûr qu'il ne serait pas né, si depuis longtemps ça ne tracassait les hommes, et si dans ce tracas, la seule chose qui montrait être à leur portée, c'était toujours la lettre quand Aristote, comme n'importe qui, enfin, se met à l'idée de l'élément, c'est toujours, il fait une série de lettres, haute, bateau, enfin, exactement comme nous, enfin, il n'y a rien qui donne d'abord l'idée de l'élément au sens où tout à l'heure, je crois, je l'évoquais, du grain de sable, je suis peut-être aussi dans un de ces trucs que j'ai sauté. Bon, enfin, peu importe, l'idée de l'élément, l'idée de l'antédique, ça ne pouvait que se compter, enfin, et rien ne nous arrête. Si nombreux que soient les grains de sable, il y a déjà un Archimède qui l'a dit, si nombreux qu'ils soient, on arrivera toujours à les calibrer. Mais tout ceci nous vient de partir de quelque chose qui n'a pas de meilleur support. La lettre, mais ça veut dire aussi, parce qu'il n'y a pas de lettre sans de la langue. C'est même un problème. Comment est-ce que la langue, ça peut se précipiter dans la lettre? On n'a jamais fait rien de bien sérieux sur l'écriture. Même la peine, enfin, parce que c'est là tout à fait un joint. Ouais. Donc, que le signifiant soit posé par moi comme représentant du geste, le signifiant de la fonction du saveur, quelqu'un aussi, marqué tout à l'heure, l'âge, si je puis dire, de la fonction. notre cerveau c'est un chiffre et que c'est ça et que seul exercice l'intention s'apparente. La psychanalyse c'est que le petit chiffre se résume à tout seul chiffre, à tout seul symptôme, quelque chose avant tout ne cesse pas du réel, d'aller à l'apprivoiser par le langage, tout l'autre, c'est l'art. Par quoi le terrain est un mot qui sépare le symptôme de ce que je vais vous montrer, que les petits dessins, le symptôme se réduisent à la jouissance phallique. Ouais. Il faut que j'en saute un bout comme ça. Mon séjour d'introduction, ce qui pour vous en est le témoin, c'est que votre analysant résumé se confirme d'être tel à ceci qu'il revienne. Est-ce que je vous le demande, pourquoi est-ce qu'il reviendrait? Vu la tâche où vous le mettez. Si ça lui faisait pas un plaisir. Ou de quand plus, souvent, enfin, il en met à ce moment de vos vivants encore d'autres tâches, pour satisfaire la finalité. Il se jouit de quelque chose, et non pas de tout je suis. Parce que, tout indique, tout de la même, par vous, indiqué, que vous ne lui demandez pas du tout, simplement, de d'assainir, d'être là, comme moi, je le suis, maintenant, mais plutôt, et tout à l'opposé, de mettre à l'épreuve, cette liberté de la fiction, de dire n'importe quoi, qui en retour va s'avérer être impossible. C'est-à-dire que ce que vous lui demandez, c'est tout à fait quitter cette position bien qualifié du Dasein, qui est plus simplement celle dont il se contente. Il se contente justement de s'en plaindre, de se voir de ne pas être conforme à l'aide sociale, de se voir qu'il y a quelque chose qui se met en travers. Et justement, de ce que quelque chose se mette en travers, c'est ça qu'il aperçoit comme symptôme, comme tel, symptomatique du réel. Alors, en plus, il y a l'approche qu'il fait de penser, mais ça, c'est ce qu'on appelle le bénéfice secondaire. Dans toute névrose. Tout ce que je dis là n'est pas vrai forcément dans l'éternel. Ça m'est d'ailleurs complètement indifférent. C'est que c'est la structure même du discours que vous ne fondez qu'à reformer, voire réformer les autres discours. En tant qu'au vôtre, ils existent. Et c'est dans le vôtre, dans votre discours, que le par-lettre épuisera cette insistance qui est la sienne et qui, dans les autres discours, restent à coup. Alors, où se loge ce « ça se jouit » de mes dans mes registres catégoriques de l'imaginaire, du symbolique et du réel. Voilà, il faut quand même que, pour que vous pigiez, je ne voulais pas les rabattre toutes, hein. Pas celles qui sont derrière. Pour qu'il y ait le Boromir, regardez là ce qui est en haut. Pour qu'il y ait le Boromir, c'est pas nécessaire que mes trois consistances fondamentales soient toutes toriques. Comme vous l'avez peut-être, enfin, comme ça, comme c'est peut-être venu à vos oreilles, vous savez qu'une droite peut être censée se mordre la queue à l'infini. Alors, du symbolique, l'imaginaire et du réel, il peut y avoir un des trois, le réel sûrement, qui lui se caractérise justement de ce que j'ai dit, de ne pas faire tout, c'est-à-dire de ne pas se boucler. Supposez même que ce soit la même chose pour le symbolique. Il suffit que l'imaginaire, à savoir un de mes trois torts, se manifeste bien comme l'endroit où, assurément, on tourne en rond, pour que, avec deux droites, ça fasse le Boroméen. Ce que vous voyez en haut, donc, ce n'est pas par hasard, peut-être, que ça se présente comme l'entrecroisement de vies de l'écriture grecque, ce que vous voyez en haut, c'est peut-être bien aussi quelque chose qui est tout à fait digne d'entrer dans le cas du noble roméen. Vous faites sauter aussi bien la continuité de la droite que la continuité du rond. Ce qu'il y a de reste, que ce soit une droite et un rond, ou que ce soit deux droites, est tout à fait libre. Ce qui est bien la définition du nœud boroméen. Alors, en vous disant tout ça, j'ai le sentiment, enfin, je l'ai même noté dans mon texte, enfin, que le langage, c'est vraiment ce qui ne peut avancer qu'à se tordre, à s'enrouler, à se contourner, d'une façon, enfin, dont après tout, je peux pas dire que je ne donne pas ici l'exemple. Il ne faut pas croire qu'à relever le gant pour lui, enfin, a marqué dans tout ce qui nous concerne, enfin, à quel point nous en dépendons. Il ne faut pas croire que je fasse ça tellement de gaieté de cœur. Ce qui me paraît comique, c'est simplement qu'on ne s'aperçoive pas qu'il n'y a aucun autre moyen de penser que des psychologues à la recherche de la pensée qui ne serait pas parlée implique en quelque sorte la pensée pure, si j'ose dire. Ça serait mieux. Dans ce que tout à l'heure j'ai avancé de cartésien, je pense donc je suis nommément, il y a une erreur. Il y a une erreur profonde, c'est que ce qui l'inquiète, c'est que ce c'est quand elle imagine que la pensée fait étendue. Mais c'est bien ce qui démontre qu'il n'y a de pensée, si je puis dire, de pensée. De pensée pure, de pensée qui ne soit pas soumise aux contentions du langage, que justement la pensée de l'étendue. Et alors, à quoi je vais traduire aujourd'hui, que je vais faire un compte après 2 heures, n'est-ce pas, que d'y échouer, n'est-ce pas, que de ramper. C'est ceci, c'est que l'étendue est l'étendue. Nous supposons être l'espace, l'espace qui nous est commun, à savoir les 3 dimensions. Pourquoi diable est-ce que ça n'a jamais été abordé par la voix du nœud? Fait une petite sortie, ça, une évocation citatoire. Du vieux Rimbaud et de son effet de bateau ivre, si je puis dire. Je ne me sentis plus tiré par les haleurs. Il n'y a aucun besoin de Rimbateau, enfin, bon, ni de poète, ni d'étiopoète, enfin. Il n'y a aucun besoin de ça pour se poser la question de savoir pourquoi des gens qui, incontestablement, taillaient des pierres, et ça, c'est la géométrie d'Euclide. Pourquoi ces gens qui, quand même, ces pierres avaient ensuite allé hisser au haut des pyramides, ils ne le faisaient pas. Je sais pas, avec des chevaux, enfin. Chacun sait que les chevaux ne diraient pas grand-chose, donc il n'avait pas eu, qu'il n'avait pas inventé le collier. Comment est-ce que ces gens, qui donc tiraient eux-mêmes de ces trucs, c'est pas d'abord la corde et du même coup le nœud qui est venu au premier plan de leur géométrie? Comment est-ce qu'ils n'ont pas vu que, grâce au nœud et à la corde, cette chose, dans laquelle les mathématiques les plus modernes elles-mêmes, c'est le cas de le dire, perdent la corde, car on ne sait pas comment formaliser ce qu'il en est du nœud. Il y a un tas de cas où on perd les pédales et où le mathématicien, c'est pas le cas du nœud borromée. Le mathématicien Zudolgubé s'est aperçu que le nœud borroméen, c'était simplement une tresse. Et le type de tresse, genre le plus simple. Bon. Alors, il est évident que, par contre, ce nœud-là, tel que je voulais mis en haut, enfin, de cette façon, d'autant plus saisissante, n'est-ce pas, que c'est elle qui nous permet de ne pas faire dépendre toutes les choses de la consistance torique de quoi que ce soit, mais seulement au moins d'une. Et cette au moins une, c'est elle qui, rapetisser indéfiniment peut vous donner l'idée là sensible en ceci que si nous ne supposons pas le nœud manifester du fait que le tort imaginaire que j'ai posé là se rapetasse à l'infini, nous n'avons aucune espèce d'idée du point, parce que les 2 droites telles que je viens de vous les inscrire, là, les droites que j'attribue, que j'affecte des termes des termes du symbolique et du réel, elles glissent l'une sur l'autre, enfin, si je puis dire, à perte de vue. Pourquoi est-ce que de droite sur une surface, sur un plan, se croiseraient, s'intersecteraient en seul demande? Ou est-ce qu'on n'a jamais vu quoi que ce soit qui ressemble, sauf à manier la scie, bien sûr, et à imaginer que ce qui fait arrête dans un volume, ça suffit à désigner une ligne? Comment est-ce que, en dehors de ce phénomène du sillage, on peut imaginer que la rencontre de droite, c'est ce qui fait un point? Il me semble qu'il en faut au moins trois. Bon, alors, ceci, bien sûr, nous emmène un tout petit peu plus loin pour lire ce texte, qui vaut ce qu'il vaut, mais qui est au moins amusant. Hein. Bon, il faut quand même que je vous montre, enfin, ceci, bien sûr, naturellement, vous désigne la façon dont, en fin de compte, le nœud borroméen rejoint bien, enfin, ces fameuses trois dimensions que nous imputons à l'espace, sans d'ailleurs nous priver, enfin, d'en imaginer tant que nous voulons, n'est-ce pas? Et voir comment ça se produit, et se produit un nœud borroméen, quand justement nous le mettons dans cet espace, vous voyez là une figure à gauche, et c'est évidemment en faisant glisser d'une certaine façon ces trois rectangles, qui vont déjà parfaitement nœuds à soi tout seul, c'est en les faisant glisser que vous obtenez la figure d'où part tout ce qu'il en est de ce que je vous ai montré tout à l'heure, et de ce qui constitue un nœud borroméen, et dont je vais vous donner l'exemple là simplement. Donc, on se croit obligé de le dessiner. Alors, tâchons quand même de voir, enfin, de quoi il s'agit. À savoir que dans ce réel se produisent des corps organisés et qui se maintiennent dans leur forme, n'est-ce pas? C'est ce qui explique que des corps imaginent l'univers. C'est pourtant pas surprenant que hors du par-l'être, nous n'ayons aucune preuve que les animaux pensent au-delà de quelques formes à quoi nous les supposons être sensibles, de ce qu'ils y répondent de façon privilégiée. Mais ce que nous ne voyons pas, et ce que les éthologistes, chose très curieuse, mettent entre parenthèses, vous savez ce que c'est que les éthologistes? C'est les gens qui étudient les mœurs et coutumes des animaux. C'est pas une raison pour que nous imaginions nous-mêmes que le monde est monde pour tous animaux eux-mêmes, si je puis dire. Alors que nous avons trop de preuves, comme ce que fait que... Que même si nous, enfin, c'est notre corps, enfin, l'unité de notre corps nous force à le penser comme univers, c'est évidemment pas même qu'il est cet immonde. C'est quand même du malaise que quelque part Freud note, du malaise de la civilisation que procède toute notre expérience. Bon. Ce qui est frappant, n'est-ce pas, c'est que le corps, puisque pour le désigner, le corps, c'est très frappant que, à ce malaise, il contribue d'une façon que, nous savons très bien animer, si je puis dire, animer les animaux. de notre peur. Quoi nous avons peur? Ça ne veut pas simplement dire à partir de quoi avons-nous peur. Hein? De quoi avons-nous peur? De notre corps. Oui, c'est ce que manifeste ce phénomène curieux à quoi je... Sans quoi tu fais un séminaire toute une année, enfin. J'ai dénommé de l'angoisse. L'angoisse, c'est justement quelque chose qui se situe ailleurs dans notre corps. Hein. C'est le sentiment qui surgit de ce soupçon qui nous vient de nous réduire à notre corps. Comme quand même, ben c'est très très curieux que cette débilité du par-l'être ait réussi à aller jusque-là, enfin, n'est-ce pas? C'est que on s'est aperçu que l'angoisse, enfin, c'est pas la peur de quoi que ce soit dont le corps puisse se motiver. C'est une peur de la peur. Et qui se situe si bien par rapport, enfin, à ce que je voudrais aujourd'hui pouvoir quand même vous dire, puisque sur les 66 pages que j'ai eu la connerie de prendre pour vous, naturellement, je ne voulais pas me mettre à parler comme ça encore indéfiniment. Ce que je voudrais bien vous montrer, c'est ceci. C'est que... Vous n'avez pas mal apporté ça. Alors, dans ce que j'ai imaginé pour vous, n'est-ce pas, à identifier chacune de ces consistances, comme étant celle de l'imaginaire, du symbolique et du réel, ce qui fait lieu et place pour la jouissance phallique est ce champ qui, de la mise à plat du nœud borroméen, se spécifie de l'intersection. Vous voyez ici, cette intersection elle-même, telle que les choses se figurent du dessin, comporte deux parties puisqu'il y a une intervention du troisième champ qui est ce point dont le coincement central définit l'objet petit a. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est sur ce place du plus de jouir que se branche toute jouissance. Et donc, ce qui est externe dans chacune de ces intersections, ce qui est externe à un de ces champs, en d'autres termes, la jouissance phallique, ce que j'ai là écrit du J-Phi, c'est ça qui en définit ce que j'ai qualifié tout à l'heure de l'or-corps. De même, le rapport est le même de ce qui est le cercle de droite où se gîte le réel par rapport au centre. C'est bien, c'est là que j'insiste, J'ai assisté notamment lors de la conférence de presse. C'est que à nourrir le symptôme, le réel, de sens, on ne fait que lui donner continuité de subsistance. C'est un temps au contraire que quelque chose dans le symbolique se resserre de ce que j'ai appelé le jeu de mots, l'équivoque, lequel comporte l'abolition du sens, que tout ce qui concerne la jouissance, et notamment la jouissance phallique, peut également se resserrer. Car ceci ne va pas sans que vous vous aperceviez de la place dans ces différents champs du symptôme. La voici telle qu'elle se présente dans la mise à plat du nœud borromère. Le symptôme est irruption de cette anomalie en quoi consiste la jouissance phallique, ce pour autant que s'y étale, que s'y épanouit ce manque fondamental que je qualifie du non-rapport sexuel. C'est en tant que dans l'interprétation, c'est uniquement sur le signifiant que porte l'intervention analytique que quelque chose peut reculer du champ du symptôme dans le symbolique. Le symbolique entend, c'est la langue. C'est la langue qu'il supporte et que le savoir inscrit de la langue qui constitue à proprement parler l'inconscient, c'est là-bas qui gagne sur le symptôme, ceci n'empêchant pas que le cercle marqué là du grand S ne corresponde à quelque chose qui, de ce savoir, ne sera jamais réduit. C'est à savoir l'Urverdrängt de Freud, ce qui, de l'inconscient, ne sera jamais interprété. En quoi est-ce que j'ai écrit au niveau du cercle du réel le mot vie? C'est qu'incontestablement, de la vie, après ce terme vague qui consiste à énoncer le jouir de la vie, la vie, nous ne savons rien d'autre, et tout ce à quoi nous induit la science, c'est de voir qu'il n'y a rien de plus réel, ce qui veut dire rien de plus impossible que d'imaginer comment a pu faire son départ cette construction chimique qui, éléments répartis, enfin dans quoi que ce soit et de quelque façon que nous voulions le qualifier par les lois de la science, se serait mis tout d'un coup à construire une molécule d'ADN. C'est-à-dire quelque chose dont je vous fais remarquer que très curieusement, c'est bien là qu'on voit la première image d'un nœud. Donc, s'il y a quelque chose qui devrait nous frapper, c'est qu'on a mis si tard à s'apercevoir que quelque chose dans le réel et par rien, la vie même, se structure d'un nœud, comment ne pas s'étonner qu'après ça, nous ne trouvions justement nulle part, ni dans l'anatomie, ni dans les plantes grimpantes, qui sembleraient être expressément faites pour ça, aucune image de nœud naturel. Je vais vous suggérer quelque chose. Est-ce que ce ne serait pas là le signe d'un autre type de refoulement pour faire drainte? Enfin, quand même, ne mettons pas trop à rêver. Nous avons avec nos traces assez à faire. Que la représentation, jusqu'à y compris le préconscient de Freud, soit justement ce qui fait que la J.A. que j'ai écrit et qui veut dire jouissance de l'autre en tant que parasexué, jouissance pour l'homme et la supposée femme, et inversement pour la femme que nous n'avons pas à supposer, puisque la femme n'existe pas, mais pour une femme, par contre, l'homme, qui lui est tout, hélas, il est même toute jouissance phallique, pour cette jouissance de l'autre parasexuel, qui n'existe pas, ne pourrait, ne saurait même exister par l'intermédiaire de la parole. La parole d'amour, notamment, qui est bien la chose, je dois dire, la plus paradoxale et la plus étonnante, est évidemment tout à fait sensible et compréhensible, que Dieu nous conseille de n'aimer que son prochain, et non pas du tout se limiter à sa prochaine, sa prochaine, on irait tout simplement à l'échec. C'est le principe même de ce que j'ai appelé tout à l'heure l'archiraté chrétienne. Cette jouissance de l'autre, c'est là que se produit. C'est là que se produit ce qui montre qu'autant la jouissance phallique est hors corps, autant la jouissance de l'autre est hors langage, hors symbolique. C'est à partir de là, à savoir à partir du moment où l'on saisit ce qu'il y a, comment dire, de plus vivant ou de plus mort dans le langage, à savoir la lettre, c'est uniquement à partir de là que nous avons accès au réel. Cette jouissance de l'autre dont chacun sait à quel point c'est impossible, et contrairement même au mythe qu'évoque Freud, qui est à savoir font l'éros, ça serait faire un. Mais justement, c'est de ça qu'on crève, c'est qu'en aucun cas, deux corps ne peuvent en faire qu'un. De si près qu'on le sait, je suppose que c'est juste à mettre dans mon texte, mais tout ce qu'on veut faire de mieux, dans ces fameuses étreintes, enfin, c'est-à-dire, serre-moi fort. Et on ne serre pas si fort que l'autre finisse par en crever. De sorte qu'il n'y a aucune espèce de réduction à l'heure, c'est la plus formidable blague. Enfin, s'il y a quelque chose qui fait l'un, c'est bien le sens de l'événement, le sens de ce qui relève de la mort.